Le lecteur a compris qu'Éponine, il a reconnu à travers la grille, l'habitant de cette rue Plumet y avait conduit Marius, et qu'après plusieurs jours d'extase, devant cette grille, Marius, entraîné par cette force qui pousse le fer vers l'aimant et l'amoureux vers les pierres dont est faite la maison de celle qu'il aime, avait fini par entrer dans le jardin de Cosette, comme Roméo dans le jardin de Juliette. À partir de cette heure bénie et sainte, où un baiser fiança ces deux âmes, Marius vint là tous les soirs. Dieu voulut que l'amour que Cosette rencontra fut un de ces amours qui sauvent. Tant que dura le mois de mai de cette année 1832, il y eut là toutes les nuits, dans ce pauvre jardin sauvage, deux êtres composés de toutes les chastetés et de toutes les innocences, débordant de toutes les félicités du ciel, plus voisins des archanges que des hommes, purs, honnêtes, enivrés, rayonnants, qui resplendissaient l'un pour l'autre dans les ténèbres. Il y avait une distance qu'ils ne franchissaient pas. Le premier baiser avait été aussi le dernier. La nuit, quand ils étaient là, ce jardin semblait un lieu vivant et sacré. Toutes les fleurs s'ouvraient autour d'eux et leur envoyaient de l'encens. Eux, ils ouvraient leurs âmes et les répandaient dans les fleurs. Marius se figurait la vie avec Cosette comme cela, sans autre chose. Cosette était une condensation de lumière aurorale en forme de femme. Ils s'idolâtraient. Ils existaient vaguement, effarés de bonheur. Ils ne s'apercevaient pas du choléra qui décimait Paris précisément en ce mois-là. Marius et Cosette ne se demandaient pas où cela les conduirait. Ils se regardaient comme arrivés. Jean Valjean, lui, ne se doutait de rien. Cosette, un peu moins rêveuse que Marius, était gaie, et cela suffisait à Jean Valjean pour être heureux. La vieille Toussaint, qui se couchait de bonne heure, ne songeait qu'à dormir une fois sa besogne faite, et ignorait tout, comme Jean Valjean. Cependant, diverses complications approchaient. Un soir, Marius s'acheminait au rendez-vous. Il entendit qu'on disait auprès de lui « Bonsoir, monsieur Marius ». Il leva la tête et reconnut Éponine. Elle lui était complètement sortie de l'esprit. Absorbé par Cosette, il ne s'était même pas clairement rendu compte que cette Éponine s'appelait Éponine Thénardier et qu'elle portait un nom écrit dans le testament de son père, son nom pour lequel il se serait, quelques mois auparavant, si ardemment dévoué. « Ah, c'est vous, Éponine ? Pourquoi me dites-vous, vous ? Est-ce que je vous ai fait quelque chose ?»« Non, » répondit-il. « Bonsoir, monsieur Marius, » dit-elle tout à coup, brusquement, et elle s'en alla.